Cet animal ne rit rien. Comme le canard, il a des palmes. Et comme une porte, un bec de canne. Un vrai squelette de volatile. Mais une allure de reptile. Une queue de castor et pas d'oreille. Un écuyon, pire qu'une abeille. Nage dans l'eau comme une otarie. Comme une taupe creuse ses galeries. Telle une autruche, il pente des œufs. Soyons clairs, ce n'est pas sérieux. Et même s'il a beau comme un chien, cet animal ne rime à rien. C'est ridicule. C'est un scandale. Et quand on pense que l'Académie des sciences paye des gens comme ça pour aller raconter des choses, c'est une stupidité.